Sans un thé, c'est impossible de jouer cette chanson. Les côtes françaises. Hein? Les côtes françaises. Les côtes françaises, j'ai eu les côtes françaises. Je pense que c'est... Non, c'est canadien. Pareil. Non, je pense que je joue un autre sur piano. Et pas mon verre, ça, c'est un sujet. The fates of dictate. Dernière 2 minutes, on oublie. Très vite. Ah, et là, monsieur, trois ans, monsieur Grandier Troiler. Yeah.